putain aller, mais pour aller où? Shoot, aller où? De savoir, je suis armé lourd. Aller, retour entre CJD et QHS. Le cul ou la chenille qui s'affluent, se vider la tête. Plus rien à perdre depuis que le deal paye. Avenue de la Chapelle, y'a plus de D-Pan que D-Pen. Click, Ben, s'il savait ce que ma rétine a vu, il comprendrait pourquoi sans répit, je rétis à vue. Même si t'as vu, je suis plus classique que Reebok. Fat rime, faut pas qu'un style, faut que tu reboot. Je te dis ce que j'ai sur le cœur, donc ferme ta gueule. J'ai l'art et la manière d'être scred en tant qu'ex-hacker. Spectateur, de la misère, contestateur. Laisse ta peur de côté, respecte la terre. Je lui sers un bon jeu tout tard, les flex ta beuh. T'es serre à piège jaloux, tu risques de perdre ta beuh. On est pauvre, on meurt pauvre. Meurt tôt, voilà ce que nos erreurs causent. On est pauvre, on meurt tôt. Faut que je me repose parce que l'heure tourne. On est pauvre, on meurt pauvre. Meurt tôt, voilà ce que nos erreurs causent. On est pauvre, on meurt tôt. Faut que je me repose parce que l'heure tourne. Ce qui est sûr, c'est qu'un vaurien sans respect ça parle. Donc je les baisse bien pendant qu'ils se font graisser la patte. Nique ces politiciens plus militants qu'Arafat. Dès que j'entends la police qui vient en 2-2, je me casse la patte. Grosse plif à la bouche, toujours à la bourre. J'ai pas la boule d'un ange même quand je la joue à la cool. Allez bouge de ma vue, je suis un banlieusard. On m'en veut, c'est pas de ma faute si les bandes s'arment. Je m'en fous comme censure, faut que les gens sachent. J'ai du sang sur les mains mais pas plus que Jean Charles. J'en parle, ça me touche comme les coups des gendarmes. J'ai blues et j'en bave, je rêve comme un petit chez John Bar. Dans le bat, y'a ni sécu ni salaire. Certains vivent à l'aise au système, nique sa mère. Avoir du fils ça aide, surtout si t'es pauvre. Car pour Zepo, dur de vêtre ou une épaule. On est pauvre, on meurt pauvre. Meurt tôt, voilà ce que nos erreurs causent. On est pauvre, on meurt tôt. Faut que je me repose parce que l'heure tourne. On est pauvre, on meurt pauvre. Meurt tôt, voilà ce que nos erreurs causent. On est pauvre, on meurt tôt. Faut que je me repose parce que l'heure tourne. J'ai pas eu le destin de Ronaldo. Moi, j'ai roulé ma bosse en roulant ma dope. La rue elle m'adore, ouais elle me colle à la peau. La mort ou la tôle, est ça la vie d'un pauvre. On fête la nouvelle année dans des cages d'escalier. Rêvant de cacher de barrer, ce sera pas pour cette année. On fait que stagner, chaque année c'est pas mieux. Quand on part en Espagne, c'est pas pour les palmiers. Mais palmiers, ce pays n'a jamais voulu. Armés sur la rue, les jeunes jettent leur dévolu. Le quartier se dévalue, perd de la valeur comme de la monnaie. Et le malheur c'est que tout ça nous amuse. On s'allume la nuit comme des lampadaires. Ouais on manque pas d'air, rap et la France adhère. Rampe à terre, MC ça devient dangereux. Je vais taire la critique comme un buteur en manque de temps de jeu.